pense que moi, il me faut la traduction. Sa cocotte dure. Cocotte. On peut la faire en version rock and roll, hein, si tu veux. If the night has gone, you can come and stand by me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fly was a venture. C'était quoi le bordel là? Il est parti, c'est pas la peine de parler dans le vide. Grand-mère fait faire un bon café. Grand-mère fait faire un bon café. Smoking in the night. Olé. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure-ci? It's not too late. We are in holiday. Thank you.